Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Bonjour, c'est Katia Sirica. Tous les matins, j'écoute Mickaël à la radio. Mickaël. À la radio. Salut, ciao à toi, Émilie. Et puis, vous le savez, tous les soirs, il y a Julien Dorien. Ça se passe dans l'émission d'Evan. Evan et la tribu à partir de 17h. Julien Dorien, qui est donc le journaliste prêt à tout pour avoir le scoop du siècle. Il était là hier soir. Écoutez. Julien Dorien, notre reporter qui, comme chaque jour, nous gratifie de ses interventions magnifiques. Julien, vous étiez à Gand pour I Love Techno avec Fun Radio. Alors, ça s'est passé comment ce week-end ? De quoi, pardon ? Qu'est-ce que vous dites ? Vous étiez à Gand pour I Love Techno, je dis ! Non, non, j'ai pas de gants de vélo, pourquoi ? Non, je disais, vous étiez à Gand pour I Love Techno ! Ah, super van, Evan. Bon, sinon, je vous appelle pour vous débriefer un peu l'événement. I Love Techno qui s'est super bien déroulé à Gand parce que bah, c'est bien beau de faire des blagues, Evan, mais faut bosser un peu. La soirée a commencé aux alentours de 19h. À 22h, je dois avouer qu'en termes d'espérance de vie, j'avais perdu 4 ans. Perdu 4 ans, d'accord. Vous étiez encore bourré, Julien ? Non, non, aucune route n'était barrée. Je tenais à dire que c'est la première fois que je peux prendre une cuite en noce de frais. Rassurez-moi quand même, Julien, vous n'avez pas pris de drogue au moins. Qu'est-ce que tu veux que je foute avec un magazine Vogue ? On parle techno. À 23h, j'ai eu un sacré mal de crâne, donc j'ai mis 4 heures à trouver un aspirine. Quand tu croises des mecs, ils te disent cocaïne, méthamphétamine, héroïne, clémentine, mais pas aspirine. Donc j'ai fini par trouver un cachet, mais à 50 balles, ça fait un peu mal. 50 balles ou 50 euros, vous voulez dire ? 50 euros. Il sait même plus ce qu'il dit. 50 euros, et vous êtes sûr que c'était de l'aspirine à 50 euros ? Quel rapport avec la cyprine ? Je disais que juste après en avoir pris, j'avais une patate d'enfer, mais j'avais les dents qui commençaient à grincer un peu. Et là, ça va mieux. Depuis, pas besoin de dormir, je me sens archi bien, je danse. Mais vous êtes où là, Julien ? Le festival s'est terminé hier, donc c'est fini quoi. Non, je vois plus de bière. Festival, mais le DJ fait un flop total, il n'y a plus personne, tout le monde s'est barré et c'est la même musique en boucle depuis hier matin. Et je vous confirme, Julien, si vous êtes seul et que vous avez la même musique en boucle dans la tête depuis hier matin, c'est que la pilule achetée, c'est pas de l'aspirine quoi. De quoi ? J'ai pas mal. Rentrez chez vous, Julien, je pense qu'il est temps. En plus, visiblement, et ils ont mis la musique bien forte. Hein. Merci, Julien. Hein. De rien. Voilà, Julien Dorien qui sera de retour dès ce soir, 17h. Mickaël à la radio. Le replay. Fun Radio. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Salut Mickaël, c'est Alizée Poulicek. Je te verrais bien en Miss Wallonie, mais faudrait quand même refaire les dents, faudrait refaire le sourire, faudrait refaire les abdos, faudrait refaire les pectos. En fait, faudrait tout refaire. Mickaël. À la radio. Puis là, nous avons Alem qui est avec nous. Alem qui est là pour la déclaration express. Salut Alem. Salut. Ça va Alem? Ça va, bon, ça va bien aussi, Alem, tranquille. Tiens, on t'a eu hier, il y avait déjà un son dégueulasse, on t'a aujourd'hui, il y a toujours un son dégueulasse. Ça, en fait. Bon, Alem, on va faire une petite déclaration express. On va appeler qui, Alem? Comment s'appelle ton mec? Là, c'est pas possible, je veux bien faire le maximum d'efforts, hein, mais hier, il y avait un son pourri déjà. Alem! Ben non, mais nous non plus, je te le confirme. Comment s'appelle... Pourtant, le mec d'avant, il l'entendait très bien. Hein. Ouais, c'est ça, quoi. Comment s'appelle ton mec, Alem ? Robin. Robin, très bien. Robin. Alors, on va l'appeler Robin. Robin ou Robin ? Robin. Ah, Aubin, d'accord, ok. On va l'appeler, tu lui dis, voilà, j'ai un truc à te dire. Chaud, par contre. J'ai un truc à te dire, et quand il décroche, et eh ben hop, c'est parti, nous, on démarre avec la déclaration express, d'accord ? D'accord. Il a crié à Alem pour qu'elle revienne. C'est parti, toi, t'es c'est bon, tout. Allez, c'est parti, on y va, on l'appelle. Au fait, vous êtes déjà ensemble ou pas ? J'espère qu'il va répondre, qu'il est pas... Ouais, ouais. D'accord, ok. Allez, c'est parti. Vous avez déjà fait celle-là, le... Non, tu l'as pas dit, celle-là. Alors ? Ah, voilà, ça sonne. Parfait. Allez. Allô ? Écoute, ouais, en fait. Au des bois ? C'est drôle, ça. C'est difficile, hein. Ouais, facile tous les jours, c'est clair. Je m'excuse. Oh Aubin, si Alem te réveille ce matin, c'est pour te dire qu'elle t'aime vraiment bien. Même si parfois t'es un peu gamin, elle sait bien que t'as 15 ans et que t'en peux rien. T'es plus jeune qu'elle et ça elle aime bien. Elle sera cougar dans 2020. Oh, Aubin, réveille-toi, réveille-toi, il est l'heure. Ton biberon est en bas et Alem, ouais, hôtel, elle est là, elle sait bien qu'un jour tu grandiras, grandiras, mets bien un pull. Car de haut il fait froid, elle voudrait pas que tu t'enrhumes, mets bien un pull. Car si jamais tu prends froid, tes narines feront des bulles. Par contre, faudra que tu donnes le nom de ton dealer à tous ceux qui ont demandé par SMS. Parce qu'apparemment, il fait de la bonne qualité quand même. Hein. Bon, bah, voilà. Voilà pour la déclaration express. J'espère que ça vous aura touché tous les deux. Hein, Aubin ? Ouais. T'as entendu ? Ouais. T'es content ? Ouais. Ouais. Ah bah c'est génial, bah tant mieux, tu vois, je vois qu'on n'a pas fait tout ça pour rien et ça c'est cool. Bon, retour de la déclaration express, restez au standard vous deux évidemment. Dès demain, si vous aussi vous voulez faire une petite déclaration express à votre copain ou votre copine, ou à votre futur copain, future copine, ou même une déclaration de rupture, vous vous inscrivez au 3044, débutez le message par déclaration ou alors un petit mail à l'OEB, hein, L-O-E-B, at funradio.be. Mickaël à la radio, le Mickaël à la radio. C'est Homer Simpson sur Fun Radio. Alors comme ça tu crois pouvoir réveiller tout le monde, hein? Eh ben essaye de me réveiller déjà, espèce de petit. Mickaël à la radio. Bon, allez, on va appeler encore des gens pour faire chier le monde ce matin, Tof. Hein. Ce matin, c'est spécial test de QI. Bah oui, enfin, c'est seulement pour les femmes, hein, puisque ouais, je suis tombé sur cette étude qui dit que les femmes qui portent des décolletés seraient moins intelligentes que les autres. C'est ça, donc Julie est une tête et ça, c'est beau. Bah oui, mais ça, oui. Ça, on le savait déjà. Je le savais déjà, voilà. Bien sûr, que Julie est la plus intelligente de nous tous. Et tu vas vérifier comment? J'ai mon petit questionnaire pour ça avec des questions très recherchées. Ah bah, on avait appelé à Auban tout à l'heure, on va à Quiévrin là? Allez, c'est parti, on y va, appelons directement à Quiévrin. Il n'a pas eu l'occasion de poser des questions tout à l'heure, c'est bien malheureux, mais j'espère que cette fois-ci ça ira mieux. Allô ? Oui, bonjour madame. Bonjour. Oui, bonjour, voilà, en fait je vous appelle parce qu'il y a une petite étude qui vient de sortir qui dit que les femmes qui porteraient des décolletés seraient moins intelligentes. Non mais vous êtes complètement ridicule de téléphoner à cette heure-ci. Mais pas du tout madame. Et donc je voulais savoir si vous-même vous portiez des décolletés. Ce n'est vraiment pas bien. Elle est passée une bonne nuit. Enfin, bonne nuit, il est quand même 7h55. Mais bon, ok, bah, écoute, en tout cas, elle rigolait. Alors, soit elle était nerveuse et c'était un rire nerveux avant de te mettre un poing dans la tronche. Ah, il y a peut-être de ça. Bon, on va la rappeler, elle avait l'air tellement charmante. Hein. C'est ça. Allez, hop, retour à Quiévrin. Oui, allô. Oui, bonjour, monsieur. Beaucoup moins drôle. Voilà, en fait, j'étais au téléphone avec votre femme et elle n'a pas le temps de répondre à mon questionnaire. Non, bah, dites, vous voyez l'heure qu'il est? Bah, oui, monsieur, je vois bien l'heure qu'il est. C'est un questionnaire qui doit se faire au réveil, c'est pour vérifier les aptitudes intellectuelles. Oui, ben la mienne, à ceci, elle n'est pas très très haute. Hein. Donc vous téléphonez à d'autres personnes, d'accord? Ben attendez, monsieur, maintenant que vous êtes là, ce serait dommage que j'appelle quelqu'un d'autre. Non, écoutez. Et puis en même temps, ça ne s'adresse pas à vous, c'est à votre femme. Hein, donc, Ben, tant mieux, ben, là vous cherchez quelqu'un d'autre. Ben, franchement, c'est vraiment très désagréable. Si c'est une blague, elle n'est pas très, très comique non plus. Oui, mais monsieur, je ne cherche pas à rigoler, je cherche à vérifier une enquête, enfin une étude. Allez, au revoir. Bah, attendez, monsieur, on va pas se séparer comme ça. Oui, si, au revoir. Oh, ça c'est vraiment con ça quand même. Oui, là on était bien, cool, là, je sentais qu'il se passait un truc. Il reste quand même super cool. Hein. Ouais, franchement, ouais, moi je t'aurais dit, enfin, je t'aurais insulté quoi. Tu nous dis à peu près tous les matins quoi. Oui, c'est ça, à peu près, voilà. Mickaël à la radio, le replay. Fun Radio. Mickaël à la radio. Salut, c'est Cartman. C'est toi aussi, tu t'es tapé la mère de Kyle hier? Ta gueule, Cartman. Écoute, Mickaël à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. Nous recevons ce matin Kate de Luna, la belle, la charmante, la très belle Kate de Luna qui est avec nous. Comment ça va, Kate? Oh, ça va bien, merci beaucoup. Oh, bah ça va, toi, tu vois, t'étais en stress, là, elle parle français. Tu es très belle, non, très sexy. Moi, oui, merci beaucoup, je suis très, très belle, très sexy. Mais toi aussi, Kate, hein. Thank you. Bon, comment ça va? T'es déjà venue en Belgique? Yeah, I love to be here again. I am in love with Belgium. and to say hi to all Belgium, hi to all the fans. But you know what? There's a new song in town and it's called Drop It Low. Yeah, vous avez vu un petit peu comment est-ce qu'elle fait sa promotion. Ouais. Donc elle disait à tous ses fans qu'elle était très heureuse de revenir en Belgique parce qu'elle adore la Belgique et qu'en plus elle voulait leur faire savoir qu'elle avait son nouveau single qui était en train de tourner. Oui, c'était à Drop It Low. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est ça. Hein. Voilà, vraiment, il y a des fois qu'il y en aurait qui débarquerait d'une autre planète, tout ça. Mais dis donc, tu parles français, parce que là, tu m'as répondu directement en anglais, mais t'as étudié le français, du coup? Comment ça s'est passé? Ah oui, j'étudiais français à l'école, à la lycée. Ouais. Bon, sauf que mon accent, c'est terrible. Mais c'est parfait! Oui? Mais non, oui, c'est très non, bien. Je ne pense, parce que je parle l'espagnol, je suis dominicaine. Ouais. Je parle l'espagnol, c'est ce que le français est, l'espagnol, c'est similaire. C'est oui, oui, il y a un petit peu de ressemblance, mais oui. Enfin, nous on parle français, mais on parle pas espagnol. Hein. Oui, non? Nous on parle pas l'espagnol. Hein. Non? No habla espagnol. Anglais, l'anglais? English, oui, yeah, a bit, I try to speak English. Do you speak sexy? Yeah, sexy, oui. With you, I will speak every time sexy. Tiens, est-ce que c'est pour te préparer au froid que t'as d'abord fait un petit arrêt à Monaco? Parce que t'étais au Mix, donc c'est le Monaco International Clubbing Show. Alors c'est quoi exactement? It was amazing. I performed there with John Rock, who I have a song John with. John Rock? Oh, yeah, come on, John Rock. Which is, you know the song, I'm Alright. Yes, I'm Alright. Alors pour ceux qui ne connaissent pas non plus, on ne sait jamais, c'était ça. Hein. In French, it's Jean Rock. Jean Rock. He's an amazing friend. You know, I did VIP his club a lot of times, a couple of times. I even did the one here that opened up in Belgium, and it was amazing. We were very good friends, and one day he said, "Hey, Kat, let's do a song together." And look, we did, and amazingly, the song is one of the top songs here in Europe. So I'm excited. So we were performing there. Alors, donc elle expliquait, donc elle allait jouer avec John Rock. Yeah, John Rock. Donc à Monaco, donc parce que donc en fait il y a donc ce festival international, et donc elle, en fait elle connaissait déjà Jean Rock de son club, parce qu'elle a déjà allé dans plusieurs clubs, elle a d'ailleurs fait l'ouverture de celui de Knock, et donc en plus elle est super contente parce que Jean Rock lui a proposé comme ça, elle dit bon bah viens on fait une chanson, elle a dit bon allez d'accord, et en fait cette chanson bah, elle est rentrée dans le top 10 en Europe, donc en fait elle est super contente d'avoir fait une chanson avec lui. Ah oui, c'est super bien marché. Alors Jean Rock on l'a déjà reçu plusieurs fois, on le connaît bien, est-ce que t'as une petite anecdote sur Jean Rock, parce qu'on dirait toujours que c'est le mec sans défaut, mais il doit bien avoir des petits défauts quelque part. Jean Rock seems to be the perfect guy, but we are sure you have gossip on him. Aww. You can tell to us because he is amazing. He is an amazing person. No, that's not what we want. I am telling you. I mean, I don't know what to make of. You know, you know, I told him, you know, if you, you know, I would date you if you have a girlfriend. I told him straight up, but because he is such a nice person and his lifestyle is so like bougie, woo. You know, he loves fashion, loves music and the scene. I think that's why his club is one of the most, you know, if not the most, one of the most successful here within Europe when it comes to, you know, celebrity and entertainment. And he's just, I don't know, I have yet not seen a bad side of him. He just loves what he does. Literally, he does. Donc on ne saura toujours pas. Mais non, malheureusement, quelle déception. Voilà. But baby, you don't have to hate. I mean, if you want to get with me, you just have to tell me. You know, you don't have to ask me. You know, what is wrong about others. Donc bon, voilà. Donc on ne saura pas. Ouais. On ne saura pas sur Jean Rock. C'est le mec parfait. Hein, parce qu'elle a dit que donc c'était déjà un mec qui avait bien réussi dans la vie puisque ses clubs sont les plus courus en Europe. Que donc il adore la musique, il adore tout ce qu'il fait. En plus, c'est un mec hyper fashion, c'est un mec hyper sympa. Ouais, pourquoi est-ce que tu ne sors pas avec Jean? Why did you didn't date Jean Rock? Oh. Oui, parce que c'est l'homme parfait, it's apparemment. I gotta ask him. No, actually, I came late. You know, he was taken. You know, I came late. I'm not. You know. Ah ben voilà, enfin on sait quelque chose. Jean Rock a une copine. Jean Rock have a girlfriend. Well, you never know. Well, I'm sure he does. Et remets-toi, Tov. Hein. Ah bah. Bon, mais attends, information exclusive quand même, a priori. Jean-Rock est maquillé. Jean-Rock aura une meuf, a priori. Mickaël à la radio, le replay. Fun Radio.